Amuse-toi bien. Il n'était que sur Skyrock. Sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Yeah, c'est parti. Laurent Carr a pas loupé tous les dimanches sur Skyrock de 18h à 20h pendant 2h. On se fait les classiques rap et R&B qui ont marqué l'histoire de Skyrock, qui ont marqué l'histoire du rap et du R&B. On attaque avec un titre de 1992, House of Pain. C'est parti pour Jump Around. Il y aura Pharrell Williams derrière avec Happy, Jackie et Benji. Aussi avec Jamatic, associé à l'époque. C'est La Monnaie qui débarque sur Skyrock, les Negmarons. Skyrock, Skyrock Classics.

wish I wasn't the way I am. Skyrock Classics. Classics. No, you've been hurt. If you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. I've asked about you and they told me things, but my mind didn't change. Still feel the same. What's a life with no fun? Please don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know, we know. They won't get you like I will. My only wish is I die real. Cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still. So you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste out. Pushing me away so I give a space out. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I would care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. And you'll see all my mistakes, so look me in my eyes. Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. Can't deny that I want you, but I lie if I have to. Cause you don't say you love me to your friends when they ask you. Even though we both know that you do, you do. One time, been in love one time. You and all your girls in the club one time. Also convinced that you're following your heart. Cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights though. Don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know, we know. You hate being alone when you ain't the only one. You hate the fact that you bought the dream when they sold you one. And you love your friends, but somebody should've told you some to save you. Instead they say, tell me. Carte de Rihanna et Drake pour terminer Skyrock Classics sur Skyrock, le rencard du dimanche soir entre 18h et 20h, une émission qu'on va dédicacer au poteau Maxime à qui on souhaite un bon rétablissement, que vous retrouverez très très vite sur Skyrock. Steph, ouais, suspense, les Major Lazer sont-ils toujours à la première place du 8US? C'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle révélation du 8US. On est parti comme tous les dimanches juste après Skyrock Classics et avant de te retrouver d'ailleurs avec toute la radio libre pour les meilleurs moments de la radio libre comme tous les dimanches soirs. La spéciale avec Tony Yoka, champion olympique de boxe, à pas louper, ça sera pas l'emmerder. Hein. Ouais. Le mec est grand. Le mec est fort, en plus il est champion médaille d'or avec sa chérie. Exactement, d'ailleurs. Voilà, Estelle Mosley, les sacré deux. Coupe. Exactement, et donc voilà, on retrouve Tony tout à l'heure avec Guy Foul Romano et toute l'équipe. Une grosse émission, une bonne soirée de Radio Libre comme on les aime, juste après le 8US. Ok, vas-y, c'est parti. A plus. 14h à New York, 11h à Los Angeles.